Chapitre deuxième. Monsieur de Soutis venait d'atteindre sa 46e année. C'était un homme de haute taille, à l'allure martiale, et dans la physionomie duquel des yeux, tantôt tendres et tantôt rieurs, effaçaient l'apparente rudesse que lui donnait une moustache touffue portée à la façon des officiers. Son père, le vieux marquis de Soutis, malgré une ligne d'ancêtres dont la plupart avaient versé leur sang pour leur roi, s'était rallié au régime impérial. Il mourut quelque temps après la bataille de Sadova. Il avait tenté, mais en vain, de ramener son fils à ses idées nouvelles. Celui-ci était demeuré rebelle. Georges de Soutis ne tenait de l'éducation paternelle que le savoir-vivre, qui, joint à une élégance native, à une beauté physique vraiment remarquable, en fit ce qu'on appelle dans le monde un cavalier accompli. Quant à son instruction, il s'en était chargé lui-même. Il commença ses études françaises et latines avec le vague savoir du curé du Crétois, l'abbé Bertillon. Lorsque sa mère mourut, le marquis envoya son fils à Paris dans une grande pension de la rue du Bac. Travailleur, épris de poésie, amoureux des belles lettres, il sortit de cette maison muni de ses diplômes pour rejoindre son père au château des Tilleuls, où il n'avait fait que de régulières apparitions au temps des grandes vacances. Pour dire vrai, monsieur de Soutis, le sachant travailleur, s'était fort peu occupé de lui, s'en rapportant à son beau-frère, le comte de Vernon, qu'il avait désigné comme correspondant de Georges. C'est dans un vieil hôtel du faubourg Saint-Germain que le jeune écolier passait ses dimanches de sortie, toujours en lecture, ayant choisi comme séjour la bibliothèque de son oncle. Lorsqu'il arriva au Tilleul pour s'y installer définitivement, le marquis le pria de l'accompagner à cheval dans une promenade assez longue qu'il devait faire aux environs et au cours de laquelle il rendit visite à ses nombreux fermiers. À Morinvillers, comme à Lu, comme aux Orfraies, aussi bien qu'à la banque et à la ferme école de Clesson, l'accueil le plus sympathique accueillit le jeune seigneur que les tenanciers avaient connu tout petit et vu depuis chaque année à l'époque de la chasse pendant les grandes vacances. Partout, ce fut le même cri de surprise admirative, le même salut. « Comme vous voilà devenu grand, monsieur Georges. Monsieur le marquis doit être fier d'avoir un fils tel que vous, et beau, et savant. On vous verra souvent, n'est-ce pas, maintenant que le temps du collège est passé ?» Les allures bon enfant de Georges de Soutis, son peu de fierté, comme disaient les paysans, lui avaient depuis longtemps attiré les sympathies du pays. Il causait volontiers avec les fermiers, les entretenant de leurs travaux, moins par goût que par besoin de savoir, et surtout, enfin, pour obéir à sa nature généreuse. Au retour de cette excursion, son père, pour la première fois, lui demanda ce qu'il comptait faire, et lui dit, tout en marchant au pas égal des chevaux, « Me ferez-vous le plaisir, mon cher fils, de me tenir au courant de vos intentions? J'avais rêvé pour vous, vous le savez, de la carrière des armes. Mais vous y montriez si peu de disposition que je n'ai point voulu contrecarrer vos desseins, et je vous ai laissé libre de diriger vos études dans la voie qui conviendrait le mieux à vos goûts. Il vous a convenu de travailler les auteurs anciens, d'étudier la philosophie et de vous adonner d'une façon assidue à la littérature, ce qui n'était pas mon rêve, loin de là. Mais comme j'estime qu'il faut un homme, quel que soit son état de fortune, une occupation dans ce monde, que vous n'avez point mordu plus à l'agriculture qu'au métier des armes, dites-moi la profession qu'il vous a plu de choisir. » Georges répondit simplement, « Mais, mon cher père, je veux faire de la littérature. » « Ceci, mon fils, est un état de crève-la-faim. Nous parlons sérieusement. » Le jeune comte demeura quelques instants rêveur. « Je ne suppose pas, mon cher Georges, que vous soyez imaginé ne rien faire. D'ailleurs, le temps ne marche pas sur nos talons et vous avez toute la durée des vacances pour vous arrêter à une détermination. » Ils rentrèrent tranquillement au château, sans que jamais plus pendant 2 mois, le marquis de Soutis revint sur sa conversation. Georges connaissait bien son père et savait qu'il fallait obéir. Mais son caractère insouciant reprit le dessus. Il ne songea plus à la volonté paternelle et se laissa vivre doucement. Il partagea son temps entre son occupation favorite, la lecture, les promenades lointaines, la chasse et la pêche. Il ne voyait son père qu'aux heures des repas, causant peu parce qu'il ne trouvait rien à dire. Les sujets qu'il aurait pu traiter n'auraient pas trouvé d'écho. Quelles idées échanger avec un vieillard qui avait quitté le service du roi à la Révolution de 1830 et depuis cette époque ne s'était occupé que d'améliorer ses fermes? Le vieux marquis ne se plaignit pas de ce silence, car de son côté, il s'était imposé de ne point entretenir son fils de sujets qui le laissaient complètement indifférent. Cependant, le temps marchait vite, et Georges n'avait pas encore pris de décision. Il n'y songeait même pas. Ce fut son père qui, un soir à dîner, vers la fin de septembre, lui demanda doucement le choix auquel il s'était arrêté. « Eh bien, monsieur le poète, quelle carrière avez-vous choisi ?» Georges, après quelques instants de silence, répondit tranquillement « Mon cher père, la magistrature. Ceci est un état de cadet, mon fils. Mais enfin, il ne salit pas notre blason, et je vous sais même gré de l'avoir pris. Je vous avoue qu'avec votre cervelle de rêveur, j'avais craint un instant que vous ne choisissiez la basoche, pépinière de bavard, de raté et de chicanier. » Georges remercia intérieurement les dieux de l'inspiration qu'il lui avait envoyée en mettant sur ses lèvres ce mot « magistrat ». N'était-ce pas en effet pour lui l'indépendance rêvée, si longtemps caressée, et qui devait faire le mobile de toute sa vie? N'était-ce pas aussi le retour dans ce cher Paris, pour lequel il se sentait une attirance irrésistible? Paris, c'est la liberté. Chacun y vit à sa guise, se disait-il, travaille suivant ses goûts sans se préoccuper du voisin. C'est le foyer dont tous les cerveaux empruntent sa chaleur. Paris, c'est l'univers. N'y trouve-t-on pas les bibliothèques les plus riches du monde, les plus beaux musées, les meilleurs théâtres? N'y entend-on pas les plus beaux vers? N'y contemple-t-on pas les monuments modèles des architectures les plus diverses? Mais certainement, la magistrature devenait pour lui un sauveur. Ne fallait-il pas, pour s'y préparer, prendre ses inscriptions à l'école de droit? Et le droit, en tirant sous la longe scolaire, nécessitait au moins 3 années d'études. D'ici là, beaucoup d'eau passerait sous les ponts. Georges quitta les Tilleuls le 2 octobre suivant, avec un boursicot maigrement garni et une pension des plus modestes. Le péché mignon de son gentilhomme de père était un ordre économique, que les tenanciers en retard dans leur fermage traitaient le soir, les jours de foire, irrespectueusement de ladrerie. Monsieur le marquis de Soutis n'était point généreux, et il avait été tout heureux de son invention lorsqu'en embrassant son fils le jour de son départ, il lui dit « Avec 100 francs par mois de montant, un jeune homme de votre âge avait de quoi vivre à Paris et même, au besoin, assez pour s'acheter des gants blancs et des escarpins pour aller au bal. D'ailleurs, j'ajoute à votre pension 200 francs d'étrenne. Merci, mon père. Non pour vous, mais pour les gens à qui vous serez dans l'obligation d'en donner. Enfin, voici une lettre pour mon ancien garde Thiébault, qui tient maintenant rue de Seine une maison meublée, convenable, de prix modique, où les étudiants comme vous, et il insista sur ce mot, trouvent le gîte et le couvert. N'oubliez pas maintenant, mon cher Georges, que vous ferez plaisir à votre vieux père chaque fois que vous viendrez le voir au Tilleul. » Légèrement lesté d'argent, le jeune comte Georges de Soutis fit son entrée dans la capitale, la tête haute, l'âme radieuse, tout plein d'illusions. Les premiers temps, il suivit assez régulièrement les cours de l'école de droit. Il avait pris absolument au sérieux son rôle d'étudiant, auquel il était reconnaissant de devoir la liberté. Mais le droit romain l'intéressait peu. Aussi, à partir du mois de février, son assiduité se relâcha sensiblement. Les prétextes d'absence étaient si fréquents et les motifs si entraînants. Sa belle humeur, la rondeur de son caractère, l'indifférence dans laquelle il laissait son titre, auquel il ne songeait point, il oubliait même la particule, attirèrent à lui quelques camarades qu'il sut choisir suivant ses goûts et qui, bientôt, devinrent des amis. Le cadre des relations s'élargissant, il se lia bientôt avec des étudiants en médecine, des élèves de l'école des beaux-arts, des musiciens en herbe candidats au prix de Rome, de futurs auteurs dramatiques qui, en attendant d'être représentés à la Comédie-Française, se contentaient de petits actes au théâtre Bobino et les plus heureux d'un gros mélo au boulevard du crime. Alors commencèrent pour lui les soirées heureuses, passées tantôt à l'atelier d'un peintre ou d'un sculpteur, tantôt chez des gens de lettres au milieu d'un élément jeune comme lui, insouciant, ivre d'idéal, à qui l'avenir se présentait brillant ou glorieux. Sans jouer précisément les Joseph, ces jeunes gens recherchaient plutôt les occasions des bonnes causeries, des discussions d'art, de littérature ou de philosophie, où chacun, suivant son tempérament et ses préférences, tranchait du grand critique. Aussi les voyait-on rarement attablés au milieu de l'atmosphère fumeuse des cafés, ou risquer un cavalier seul à la grande chaumière, le moulin rouge de l'époque. D'autres fois, toute cette jeunesse se rendait au théâtre pour entendre la pièce nouvelle, les interprètes en vogue ou l'opéra d'un maître ancien. Ils formaient en somme un petit cénacle. Cette réunion de jeunes à l'esprit délicat, amoureux du beau, n'allait pas, on s'en doute, sans être l'objet des plaisanteries de camarades moins studieux. Des jalousies se manifestaient de la part de ceux qui, pour une raison quelconque, ne faisaient point partie de cette compagnie d'élite. La moindre des critiques consistait dans l'appellation de bonze, qu'on leur appliquait volontiers, comme s'ils faisaient partie d'un temple au rite mystérieux. Plusieurs d'entre eux, en effet, chercheurs d'impressions nouvelles, avaient fumé de l'opium. On le sut, et il n'en fallut pas davantage pour envenimer des propos déjà malveillants. Que signifiait cette aristocratie de la pensée, ce parti pris d'originalité qui les poussait à se singulariser quand même? Ils n'étaient que de faux artistes, de faux convaincus, et l'opinion des jaloux se résumait dans cette appellation unique, poseur. Loin de s'émouvoir de ces propos, les amis sentirent le besoin de se rapprocher davantage et d'opposer ainsi un dédain collectif aux appréciations des futurs notaires de Brive-la-Gaillarde ou des futurs officiers de santé de Morlaix. Ils restaient entiers dans leurs idées, enthousiastes des œuvres qu'ils croyaient belles et ne recherchant d'autres sociétés en dehors de la leur que celle d'écrivains éminents ou d'artistes se rapprochant le plus de l'idéal dans lequel ils se complaisaient eux-mêmes. Georges de Soutis faisait de rares visites aux tilleuls. Chacun de ses voyages avait d'ailleurs un but intéressé. Sans prendre la peine d'inventer un prétexte à ses demandes d'argent, ennemi du mensonge, il faisait un appel direct à la générosité si restrictive du vieux marquis, qui s'exécutait d'ailleurs sans trop mauvaise grâce. Le coup le plus cruel qu'il tenta, dans cet ordre de choses, c'est lorsqu'il demanda à son père de l'installer chez lui, au lieu de le laisser en une misérable chambre d'hôtel. « Je fais cette démarche auprès de vous, mon cher père, beaucoup plus pour notre nom que dans un but de jouissance égoïste. Vous ne pouvez vous faire une idée de ce qu'est la maison meublée du vieux Thiébault. En dehors de la pénurie des appartements, où presque l'essentiel manque, le compère tient avant tout à avoir des locataires, peu lui importe leur qualité, pourvu que sa maison soit pleine. Aussi suis-je exposé à des voisinages inouïs. Vous ne voulez pas le Louvre, je pense. Non ? Mais votre permission de prendre dans les combles du château, qui en sont remplis, quelques meubles avec lesquels je pourrais m'installer chez moi, à des conditions moins coûteuses que celles que m'impose votre ancien garde. » À cette pensée que son fils pourrait être économe, le marquis, tout joyeux, donna l'autorisation qu'en toute autre circonstance il aurait refusé. La seconde année de son séjour à Paris, Georges eut donc un chez-soi, mais la pension paternelle, déjà insuffisante, devint un maigre appoint devant les exigences de son nouvel établissement. Dans les premiers temps, il eut recours à la bourse généreuse de son oncle, le comte de Vernon, avec lequel il continuait de familiales relations. Mais lorsqu'il vit sa dette atteindre un certain chiffre, il s'interdit à lui-même toute demande d'emprunt. Parmi ses amis, quelques-uns d'entre eux recevaient de leurs parents de larges pensions qu'ils mettaient en commun dans leur phalanstère. Georges souffrait d'autant plus de leur sacrifice qu'il savait son père fort riche. Il résolut de se procurer de l'argent à n'importe quel prix. Ne devait-il pas, d'ailleurs, dans un an, atteindre sa majorité et recevoir sa part de l'héritage maternel? Ce fut Thiébault, l'honnête Thiébault, à qui le marquis l'avait recommandé comme un vieux serviteur dévoué de la famille, qu'il adressa à un usurier. L'usurier n'était qu'un prête-nom. En réalité, c'était Thiébault lui-même qui avançait les fonds à un intérêt suffisamment rémunérateur de 40%, sans courir l'ombre d'un risque. Il connaissait la fortune du jeune comte mieux que lui-même, et l'honneur du débiteur lui était assuré. Sans se livrer à des débordements, Georges de Soutis, lorsqu'il se vit une première fois à la tête d'une somme de 30 000 francs, vécut grandement, dépensant sans compter son argent avec ses amis, en donnant à ceux qui en manquaient. C'est ainsi qu'il atteignit, en même temps que sa majorité, la fin de sa seconde année de droit. D'examen, il n'en avait pas été question. Son père, d'ailleurs, ne l'interrogeant jamais au sujet de ses études, lui évitait de faire un aveu pénible. Les comptes de succession furent acceptés par Georges tels que son père les lui présenta. Il avait l'âme trop haute pour descendre à ce qu'il appelait ce détail, et d'autre part, il éprouvait une répugnance marquée pour les questions d'argent. C'est donc avec un revenu personnel d'une 12aine de 1 000 francs bien liquidés, après le règlement des dettes usuraires contractées par lui, qu'il revint pour la troisième fois à Paris. Son séjour se prolongea 2 ans encore avant qu'il retournât au Tilleul. Pendant ces 2 années, il changea, il mena une joyeuse existence. Il obtient les faveurs d'une chanteuse à la mode, collabora à plusieurs pièces que l'on joua et qui lui donnèrent entrée dans les coulisses de théâtre. Il prépara en outre un volume de vers. Le petit cercle d'intimes s'était d'ailleurs petit à petit éparpillé. D'une 20aine qu'ils étaient à l'origine, 3 maintenant demeuraient à Paris. Les discussions à perte de vue, les causeries intimes, les lectures furent abandonnées par la force des choses et puis des relations nouvelles, plus faciles, mais sérieuses toutefois, remplacèrent les anciennes que Georges, malgré le tourbillon où l'entraînait l'existence, se rappela et regretta toujours. Adieu aussi la musique, le piano, il était arrivé à être d'une bonne force. Adieu toiles et pinceaux, et les excursions dans les bois de Verrières et sur les coteaux des Vaux de Cernay, où il était dit que ce lettré fin et délicat, poète à 16 heures, doué d'une âme d'artiste, toucherait à toutes les manifestations de l'art. Il était loin maintenant le temps où, sac au dos, guêtre aux jambes, portant siège et chevalet plié, tout le bagage du peintre enfin collé aux épaules, il s'en allait par les sentiers perdus, cherchait un motif pour telle étude à laquelle il consacrait de longues heures de solitude sous la verdure silencieuse des bois. Aujourd'hui, tout était changé. La chanteuse avait chassé loin d'elle des arts dont elle se sentait jalouse, ne voulant pas que Georges eût d'autres préoccupations qu'elle dans la vie. La fortune de sa mère était arrivée à point pour ce genre d'existence si dissemblable de celle qu'il avait menée. Aussi, le vide cérébral ne tarda-t-il pas à se faire sentir. La maîtresse, malgré sa beauté, sa place enviée au théâtre, son réel talent de chanteuse, ne put remplacer les émotions sincères que lui procurait la poésie et le cercle de si chaude amitié qui avait occupé son esprit et son cœur pendant 2 années inoubliables. Il s'en voulait de s'être laissé à une passion qu'il considérait comme indigne de celle qu'il avait eue déjà, et mentalement se demandait pardon à lui-même de son insigne faiblesse. Quelle femme pouvait valoir un beau poème, une statue aux formes impeccables, un paysage en claire lumière, une symphonie de Schumann? C'était faire injure au génie humain que de donner le pas à la matière sur l'essence divine qui fait sa force et sa gloire. En face d'un réveil aussi subi, le remords pénétra très avant en son âme, et avec lui, le dégoût. Sa détermination fut prise bien vite. Il vendit ce qu'il lui restait du bien maternel, et lorsque le tout fut converti en une épaisse liasse de billets de banque, il en fit l'envoi à sa maîtresse, avec la plus galante épître, prétextant les nécessités d'un voyage à l'étranger imposé par la volonté paternelle. Sa situation réglée, il alla raconter tout au long son aventure à son oncle de Vernon. En le voyant arriver, le vieux gentilhomme l'accueillit par ces mots. « Mon cher neveu, je suis depuis ce matin au courant de cette affaire dont le dénouement seul m'était inconnu. Il m'est agréable de le tenir de votre bouche et je vous fais mon sincère compliment. Mais comment ? J'ai su la chose tout simplement par votre père, qui m'a raconté dans ses plus grands détails la vie de Polichinelle que vous menez depuis 5 ans à Paris, la façon dont vous vous étiez ruiné, car vous êtes bel et bien ruiné, et du même coup il m'a adressé d'ironiques compliments sur la manière de surveiller mon neveu. Votre cas n'est pas pour me déplaire. Il est commun à tous les jeunes gens de famille qui jettent leur gourme et qui payent leur apprentissage de la vie de ce monde. C'est plus ou moins cher, mais à mon avis, c'est indispensable. Il faut maintenant aller au plus pressé. Or, voici ce que je vous propose. Laissez pendant 3 mois votre cher père mariner dans son juste courroux. Cela nous donnera le temps de nous retourner. En attendant, prenez vos clics et vos claques, faites vos malles, et si vous m'acceptez comme pourvoyeur et compagnon de route, nous vivrons ces 3 mois ensemble, en Italie, puis après nous verrons venir l'événement. « Mais quel événement ? » interrogea Georges de Soutis, qui ne comprenait rien au propos de son oncle. Monsieur de Vernon, ancien garde du corps, était un vieux garçon baroque qui continuait jusqu'à la fin l'existence d'un beau qui n'a pas répudié la vie licencieuse des belles années. L'événement, mais l'événement inévitable, qui peut seul vous sortir d'embarras, et qui vous permettra en même temps de perpétuer le nom des Soutis. Le mariage. Je n'y avais pas songé. Aussi m'y voyez-vous peu préparé. À votre âge, c'est tout naturel, puisqu'au mien, je n'ai pas encore eu le temps d'y penser, ajouta en riant le vieil oncle. Mais nos deux natures sont si dissemblables. D'ailleurs, mon cher ami, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez rien à espérer de votre père. Si vous avez conservé encore quelque illusion à ce sujet, il faut vite l'effacer de votre esprit. Donc, le mariage est la seule solution possible. Vous vous êtes établi rêveur de votre état, poète si vous voulez, artiste. Vous en savez juste assez pour mourir de faim. Mais encore faudra-t-il que je trouve une femme que j'aime. Une femme, naturellement. Que vous aimiez, ceci est de la gourmandise. Vous tâcherez de l'aimer, après. L'essentiel, c'est que celle à qui vous allez donner votre nom soit riche, de votre monde, et jolie, si possible. Oui, j'ai bien compris, faites exprès pour moi, l'oiseau rare, enfin. Que diriez-vous si j'avais cet oiseau dans la manche? Je penserais que vous êtes un véritable sauveur, et je vous en aurais une reconnaissance véritable. Je mérite moins que vous ne le croyez, mon cher neveu. L'assurance qu'on fait toujours en pareil cas d'un sentiment bien rare. Je n'ai pas été un si grand clair. Lorsque j'ai vu le train que vous meniez, je me suis dit, voilà un garçon qui n'en a pas pour un an, et j'ai songé à vous sortir d'ennui. Vous êtes mon parent le plus direct. Votre caractère, quoique diamétralement opposé au mien, me convient. J'ai le faible d'aimer les belles lettres, et je vous ai institué mon légataire universel, ce qui n'est point à dédaigner. J'ai donc immédiatement pensé à une alliance pour vous. Je me suis mis en quête d'une fiancée, et je l'ai trouvée bien près de nous, dans notre propre famille. C'est votre petite cousine, Mademoiselle Alix de la Roche-Cesson. Je le vois, ce nom ne vous dit rien. Le comte et la comtesse de la Roche-Cesson, père et mère de ce que vous appelez l'oiseau rare, habitent continuellement le Poitou. Ils ne sont pas venus 20 fois à Paris dans toute leur existence, et leur fille, Alix, n'a jamais quitté le château de ses ancêtres. Elle a 18 ans, elle est grande et blonde, avec des yeux bleus. L'opulence de son corsage, la solidité de toute sa personne feraient rougir de honte la plupart des jeunes filles que vous voyez à Paris. Elle est fort jolie, très férue de sa noblesse, fort pieuse, charitable, quoique très économe, horriblement pratique, et connaissant le gouvernement d'une maison comme une maîtresse femme. J'oubliais, elle sait lire et écrire. En dehors de la Bible, des évangiles ou de son livre de messe et de la vie des saints, elle n'a jamais mis le nez dans un livre. Son père et sa mère l'ont rudement élevée, comme s'ils ne devaient pas lui laisser un jour les 4 millions en belles et bonnes terres qui composent leur fortune. Point important, 600 000 francs de dot, représentant 23 000 livres de rente. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Mais je vais avoir fini. Sitôt que mon choix pour vous a été arrêté, sans vous consulter, le naufragé ne choisit pas sa planche de salut. J'ai fait des ouvertures à nos cousins de la Roche-Cesson. Je ne leur ai rien caché de votre existence. Ils ont consulté leur fille qui, du premier coup, avec son caractère d'homme, a répondu « Je ne dis pas non ». Sitôt qu'il a été question d'un mariage pour leur enfant, nos nobles et rustiques cousins se sont décidés à l'amener à Paris. Je leur ai écrit de remettre ce voyage à 3 mois. Avant de nous rendre à Turin, première station de notre excursion italienne, nous ferons un crochet et nous irons passer 2 jours à la Roche-Cesson. Tout cela vous agrée-t-il, mon cher comte ? Georges de Soutis ne pouvait croire qu'une pareille chance lui fût réservée. Sans se perdre dans des formules de remerciements, son oncle les aimait peu, il tendit d'un mouvement brusque et spontané ses 2 mains au vieillard qui les serra avec force. Le pacte était conclu tacitement. Ce ne fut pas sans une certaine appréhension que Georges de Soutis, accompagné du comte de Vernon, pénétra dans le salon où se trouvaient réunis le comte, la comtesse de la Roche-Cesson et leur fille Alix. La présentation fut froide, surtout de la part de la comtesse. La réputation de galanterie de M. de Vernon, qui n'avait pas hésité à se faire le chaperon de son neveu, et quel neveu, la préoccupait malgré tout. Son mari, vrai gentilhomme campagnard, couronné de cheveux blancs, qui faisait ressortir le ton hâlé de son visage comme celui d'un paysan, y mit moins de réserve. Il avait de tout temps voué une sincère amitié au capitaine, aux gardes. Alix, à l'arrivée de ses parents, s'est élevée, abandonnant un grossier ouvrage de couture. Elle était en train de confectionner, dans de la bure, une culotte pour un des petits pauvres du pays. Elle était exactement ressemblante au portrait que M. de Vernon en avait fait à son neveu. Sans contrainte aucune, sans baisser par conséquent les yeux à la façon des jeunes filles de la ville qui se croient, dans de pareilles circonstances, obligées de jouer les Agnès, elle trouva un mot aimable pour les 2 arrivants. Le jour baissait. Un domestique, qui avait toute la barbe, chaussé de souliers à gros clous, apporta les lampes. Les nouvelles de Paris étaient heureusement là pour défrayer les conversations. Le plébiscite du 10 décembre qui fit du prince Louis l'empereur Napoléon III fut le sujet sur lequel chacun s'étendit. Bientôt la causerie s'anima. Seul, Alix, qui avait repris son ouvrage, n'y prenait point part. Georges de Soutis, du reste, ne plaçait que quelques mots, par convenance, la politique ayant eu jusqu'à présent le don de l'intéresser médiocrement. La jeune fille s'en aperçut et rapprocha sa chaise de celle de son cousin. Cette simplicité dans la façon d'agir n'était point pour déplaire à Georges, rebelle par tempérament aux minuties et aux mille conventions d'une trop parfaite éducation. Aussi, sans contrainte, commencèrent-ils tous les deux à échanger quelques paroles à voix basse, lui doucement avec la musique que donne l'habitude de lire des vers, elle dans le murmure un peu indécis de ceux qui disent les répons pendant les prières du soir. Lorsque le même domestique annonça le dîner, il offrit le bras à sa cousine et passa dans la salle à manger pour s'asseoir auprès d'elle. La défiance qui l'avait accompagnée durant la route de Paris au château disparut tout à fait. Madame de La Roche-Cesson, qui ne quittait jamais ses lunettes, quoiqu'elle regardât souvent par-dessus, épia le jeune homme pendant leurs pas, suivant ses moindres gestes, et comme toute surprise de le trouver plus charmant qu'on ne lui avait dit. L'appréhension chez elle faisait place maintenant à un sentiment de bienveillance. On passa ensuite au salon. Là, dans la grande pièce, aux lambris blancs, sur lesquels se détachaient, dans leurs vieux cadres, de nombreux portraits de famille, était dressée une table de whist. Dans un coin, à l'autre extrémité du salon, un piano fermé. Madame de La Roche-Cesson s'approcha de Georges et d'une voix qu'elle fit aussi douce que possible. « Jouez-vous le whist, mon cousin ?»« Je n'ai jamais touché une carte de ma vie, madame. »« Ça vous manque ?» dit en riant le comte de Vernon. « Moi aussi, » reprit Alix, « j'ai horreur des cartes. »« Alors faisons un mort, » conclut le comte de La Roche-Cesson. Les trois vieilles personnes s'assirent à la table préparée. La conversation reprit entre les deux jeunes gens. « On vous dit très bon musicien, mon cousin. »« On m'a beaucoup flatté. Je ne suis, je vous assure, qu'un exécutant de moyenne force. »« Moi, je n'ai jamais voulu apprendre le piano, et cependant rien ne me fait plus plaisir comme d'entendre de la musique. Aussi voyez-vous là un instrument dont vient jouer quelquefois Mademoiselle de Saint-Cion, notre receveuse des postes. » Si je ne craignais de déranger les joueurs, allez donc, ils sont trop absorbés pour prêter la moindre attention à autre chose qu'à leur partie. Et Georges se leva, alla vers l'instrument, pendant qu'Alix allumait les bougies. Cette opération une fois faite, la jeune fille prit une chaise et s'assit à côté du tabouret sur lequel Georges de Soutis venait de prendre place. Pendant que ses doigts préludaient par quelques accords, il se demandait, étant donné l'éducation abrupte de sa cousine, quel genre de musique il pourrait bien exécuter. Il pensa d'abord à lui jouer quelques pas redoublés, ou une marche triomphale, ou mieux encore une de ces mélodies banales qui furent le triomphe facile de Loïsa Puget. Il préféra cependant, haussant les impressions de sa parente au niveau des sentiments qu'il lui prêtait depuis quelque temps, commencer par jouer une valse de Chopin. « Si elle ne comprend pas, se disait-il avec peine, je le verrai bien. » Mais quel ne fut pas son étonnement lorsqu'il vit la jeune fille tout à fait séduite, le regard perdu dans le vague, écoutée, absolument charmée, cette musique névrosée, toute de délicatesse, d'une grâce maladive, qui la pénétrait comme un instrument aigu dont la blessure serait douloureusement agréable. Les dernières vibrations des cordes s'en allaient mourant dans l'étendue du salon sans qu'Alix ait osé remuer. Le silence étant fait complet, tout onde sonore éteinte, elle se rapprocha tout naturellement de Georges et lui demanda quelque chose de plus triste encore. Le charme, cette fois, se dégagea de la jeune fille pour les droits à l'âme de l'artiste. À son tour, perdu dans sa vision, Georges laissa courir ses doigts sur le clavier. Les harmonies s'en dégageaient lentes, émues, enveloppant l'exécutant et celle qui l'écoutait. Une communion sensationnelle s'établit bientôt entre eux. Puis, le piano devint muet encore une fois, et c'est la main dans la main que cette phrase, dite à toute volée par le comte de Vernon, vint les sortir de leurs rêves. « Ah ça, mon neveu, mais c'est de la musique à porter le diable en terre. Ne sauriez-vous nous jouer quelque chose de plus gaillard et de plus réjouissant ?» Alors, obéissant à l'injonction, Georges exécuta l'air que chante le tambour-major dans le caïd. Les trois joueurs de whist, qui avaient posé leurs cartes pour écouter et qui marquaient la mesure en tambourinant la table de leurs doigts, témoignèrent leur enthousiasme par des bravos unanimes après que fut plaqué le dernier accord. « Vous me jouerez quelque chose demain ?»« Mais pour moi seul, » dit de sa voix franche Alix de la Roche-Cesson en se levant. « En attendant, venez m'aider à servir le thé. » La soirée fut vite terminée, la comtesse ne voulant déroger en rien à ses habitudes campagnardes qui consistaient à se coucher de bonne heure pour se lever tôt. « D'ailleurs, reprit-elle, nos hôtes viennent de faire tout d'une traite une assez longue route. L'air des champs fatigue les Parisiens, qui n'y sont pas accoutumés, et nos cousins doivent avoir grand besoin de leur lit. » Le lendemain, on se leva de bonne heure. Le domestique vint prévenir M. Georges de Soutis que son oncle le demandait dans sa chambre. Il s'y rendit immédiatement. À peine entré, il fut accueilli par ces mots. « Hé, monsieur le musicien, vous allez vite en besogne. » Et marcher, ce me semble, sur les traces de Joconde. La petite n'est point si sauvage. Je m'attendais à trouver une personne plus positive, dans l'incapacité complète de comprendre votre musique de rêveur et de poète bâillant aux étoiles. À vous la pomme pour émouvoir les pierres. Qui m'aurait jamais dit que cette jeune et prosaïque personne, à l'éducation terre à terre, de garçonnière apparence, se laisserait toucher par vos rêveries de croque-notes. Mes compliments, monsieur. Vous donnez à votre oncle la preuve qu'il ne pouvait admettre que tout chemin mène à Rome. Au train dont vont les choses, vous pouvez vous passer de mes services. » Georges se défendit doucement et demanda le motif qu'il avait fait appeler dans sa chambre. « Mais je voulais savoir de vous s'il vous convient, en l'absence de votre père, de faire votre demande. Ne serait-ce pas aller un peu vite en besogne ? En bonne conscience, je ne connais pas encore assez ma cousine. » Et je ne sais pas ses dispositions pour que je vous laisse le risque d'une démarche qui pourrait être prématurée. Ah, vous voulez un siège en règle. De mon temps, mon neveu, il suffisait d'être en face de la place pour la prendre d'assaut. À votre aise. Georges descendit à la salle à manger où l'attendait déjà sa cousine. Comme on voit, lui dit-elle en lui tendant la main, que vous venez de ce grand et beau Paris, où toutes choses à ce qu'on m'a raconté sont interverties dans leur rôle. Mon père a déjà quitté le château depuis une heure, et ma mère est descendue aux cuisines, où elle préside à la confection d'un gâteau du pays. Si vous voulez, nous sortirons ensemble. Je suis équipé en chasse. Il y a pour vous un excellent fusil. Faisons un tour avant le déjeuner et tâchons de tuer quelques gibiers. À vos ordres, ma cousine. » Mademoiselle de La Roche-Cesson, toute préparée, présenta un fusil à Georges, un carnier et une ceinture remplie de munitions, puis prit à son tour une arme. Ils sortirent tous deux, allèrent au chenil délivrer deux superbes chiens d'arrêt et gagnèrent la plaine. Le pays était giboyeux. Georges, habile tireur, dut cependant baisser pavillon devant l'adresse consommée de sa cousine. Elle prenait sa revanche de la musique. Tout occupé de la chasse, ils n'échangèrent, pendant ce tête-à-tête qui dura 2 heures, que quelques phrases où rien ne transperçait de l'intimité de la veille. Cependant, Alix ne perdait pas de vue son cousin. Elle l'étudiait curieusement. Elle constata avec plaisir que l'habitude de vivre constamment la ville n'avait en rien altéré son goût pour la marche et les exercices du corps. Chaque fois qu'une pièce de gibier abattue par lui tombait à terre, elle ressentait malgré elle un plaisir réel à constater son adresse. En retournant au château, le fusil sur l'épaule, le carnier plein, les deux chiens quêtant devant eux dans les bois, ils prirent un sentier d'écart où les branches réunies des arbres dépouillés de feuilles formaient une voûte entrelacée au travers de laquelle un soleil pâle de fin d'hiver tamisait ses rayons. Ils demeurèrent quelque temps silencieux, marchant l'un près de l'autre sur les feuilles mortes et saupoudrées encore de gelée blanche, lorsqu'Alix prit la parole. « Vous aimez donc la vie des champs, mon cousin. Je craignais, et elle donna ce mot un accent particulier, que les années passées à Paris vous aient à ce point changé que la ville et ses plaisirs sont devenus pour vous indispensables. Paris est loin, bien loin, et je n'ai plus le goût d'y vivre jamais. Je l'ai vu de trop près pour désirer m'y installer tout à fait. Je préfère conserver pour moi le souvenir précieux des quelques amitiés que j'y ai contractées. Ceux qui furent mes compagnons de rêve sont maintenant dispersés au vent de l'existence. Chacun d'eux, en cela plus sage que moi, est entré dans la carrière qu'il s'était tracée. D'autres occupations les absorbent, et je suis resté seul avec mes aspirations de poète, sans m'occuper des côtés réels de la vie. Moins sage que, touchant à tous les arts sans m'arrêter à un seul pour le faire mien, je les ai vus prendre leur vol. Ils commencent leur fortune dont la base est le travail, tandis que moi je n'ai même plus la mienne, et je suis seul ici-bas. Mais votre père... Mon père, justement mécontent, plus pratique, plus sérieux, comme on dit, tient en profond mépris les arts en général et la littérature en particulier. Ses idées sont tellement arrêtées que quand bien même je serais arrivé à la gloire, comme peintre, comme poète ou comme musicien, il n'aurait tiré aucun orgueil de mes triomphes, eût-il été des plus lucratifs. Alix ne répondit pas. Un silence de quelques minutes s'était établi entre eux. Tout à coup, elle s'arrêta net et, dans un mouvement de brusquerie accoutumée, elle reprit. « Alors il faut vous marier. »« Mais ma cousine, quelle femme sera jamais assez désintéressée pour associer sa vie à celle d'un homme qui n'a rien à lui donner en échange ?»« Mais moi ?» répondit simplement Alix. À ces mots, Georges saisit la main de sa cousine et la couvrit de baisers. Il pleurait comme un enfant. Ils reprirent leur route et débouchèrent un instant après sur une aile du château. Tous les deux, d'un pas plus léger que celui du départ, malgré la fatigue d'une marche non interrompue à travers champs, entrèrent dans le vestibule. Le domestique les débarrassa de leurs fusils et de leurs carniers, et Alix, sans dire un mot, monta précipitamment chez elle. Après avoir changé de toilette, elle se rendit dans le petit salon où sa mère l'attendait tout en lisant un journal. « Tu es seule, » dit-elle. « Je vais t'apprendre une grande nouvelle. » Je me suis promise à mon cousin, Georges de Soutis. Qu'il en soit fait selon ta volonté, ma chère fille, et que Dieu bénisse ton choix. Et voyant repartir son enfant, elle ajouta, « Tu sors encore, où vas-tu ? » À l'église, mère chérie. Le comte de La Roche-Cesson arriva quelque temps après, suivi du comte de Vernon, qui avait dû subir, bien à contre-cœur, l'inévitable promenade du gentilhomme fermier, fier de montrer ses cultures. La comtesse, encore tout émue de la confidence que venait de lui faire sa fille, raconta à son mari et à son cousin le rapide résultat des deux seules entrevues des deux jeunes gens. « Je m'y attendais, » fit M. de Vernon. « J'en aurais mis ma main au feu. Je connais le gaillard, ma cousine. Il a tout ce que je n'ai pas, c'est-à-dire qu'il est capable de faire le bonheur d'une femme. Quant à ce que j'ai, c'est-à-dire ma fortune, je la lui laisserai un jour, mais le plus tard possible. » Si vous voulez bien me le permettre. Avec ce qui doit lui revenir à la mort de son Grigou de père, Georges est pour l'avenir un superbe parti. Quant au présent, rien, rien, absolument rien. Les chers enfants vivront donc sur la dot que vous faites à votre fille. Quant à moi, vous me permettrez de me charger de la corbeille. Mais le marquis, interrompit M. de La Roche-Cesson, j'ai plein pouvoir pour agir en son nom. En conséquence, mes chers cousins, j'ai l'honneur de vous demander pour mon neveu, le comte Marie-Georges de Soutis, la main de Mademoiselle Thérèse Alix de La Roche-Cesson. Cette affaire est menée à la hussarde, où je ne m'y entends plus. Accordé, répondirent ensemble le comte et la comtesse. Et sans plus de façon, mus par une même impulsion, les trois vieillards se jetèrent dans les bras les uns des autres. Le séjour du comte de Vernon et de son neveu au château de La Roche-Cesson dura un peu plus longtemps que ne l'avaient projeté les deux visiteurs. D'ailleurs, le plan qu'ils avaient arrêté fut sensiblement modifié. En premier lieu, sur la demande formelle d'Alix, on dut renoncer au voyage en Italie. En conseil de famille, on décida de partir tous ensemble pour Paris. L'oncle ne dissimula pas le contentement que lui procura cette détermination. « C'est à vous, ma cousine, bientôt ma nièce, que nous devons cette modification au programme. Pour ma part, je vous en suis tout à fait reconnaissant. L'affection que j'ai pour mon neveu a fait de moi un oncle modèle, obéissant aux exigences de la situation. Ce n'est pas sans regret, cependant, que j'avais fait pour 3 mois le sacrifice de mon pari auquel on ne saurait comparer aucun pays du monde. À vous aussi, la palme, pour débrouiller tôt les situations. Ah, vous n'avez pas été longue à vous décider au mariage. Je sais bien que votre cousin est en tout point digne de l'honneur que vous lui faites. Vous allez comme un soldat va à l'assaut. Je n'ai pas à vous faire compliment de votre choix, mes éloges seraient bien inférieurs à l'opinion que vous avez de Georges, puisqu'il sera bientôt votre mari. Si je vous dis toutes ces choses, en vous marquant mon admiration pour votre caractère, c'est que j'ai un petit service à vous demander, je l'avoue franchement. Grâce à vous, le voyage en Italie est aux vieilles lunes. Il est remplacé par celui de Paris. Je grille d'impatience d'y être déjà. Les ordres sont envoyés et à mon hôtel où vous me faites l'amitié de descendre tous. À l'heure présente, tout est prêt à vous recevoir. Eh bien, ma chère enfant, mettez votre volonté au service des vieilles manies de votre oncle, en avançant autant que vous le pourrez la fin de notre séjour dans ce château hospitalier. La maison est superbe, la campagne est pittoresque, mais voyez-vous, malgré les grands feux flambants dans les cheminées, malgré la chasse, la pêche, toutes les intéressantes dissertations qu'on peut faire sur ce sujet, jamais épuisées, les biens de la terre. Paris m'appelle, car nous nous manquons tous les deux. Prenant alors dans ses deux mains la blonde tête de la jeune fille, il y déposa un bruyant baiser en ajoutant « Saint Alix, protégez-nous ». Et Saint Alix ne fut pas invoqué en vain. Sous son impulsion, le château, depuis tant d'années silencieux, devint bruyant. Ce n'était qu'allée et venue de gens descendant des malles de forme ancienne. Quelques-unes dataient de l'émigration. Devant les armoires grandes ouvertes, la comtesse de la Roche-Cesson, retrouvant l'agilité des jeunes années, tout à la pensée du bonheur dont rayonnait le visage de sa fille, donnait des ordres, retirait les robes et les manteaux pendant que son mari, en bas, dans la salle à manger, recevait régisseur et fermier, assis à la grande table, un grand livre ouvert devant lui, entouré de papiers de toutes sortes et de sacs de toile au ventre rebondi, rempli d'argent, donnait ses instructions et réglait ses comptes, tout ceci d'un air rogue, la voix sèche, car malgré le grand événement qui allait s'accomplir, il ne pouvait dissimuler sa mauvaise humeur de voir ce changement subi dans ses habitudes, ce bouleversement de la maison où tout était sens dessus-dessous, comme si quelqu'un avait donné l'ordre du branle-bas de combat. Il mettait cependant au règlement de ses affaires une telle précision, il entrait dans des détails à ce point minutieux qu'on aurait cru que son absence devait durer des années. Alix ne tenait pas dans la maison. Depuis deux jours, à cheval, elle galopait la contrée, allait voir ses pauvres, visitait les cabanes des paysans, embrassait les petits, aux cheveux embroussaillés, remettait des vêtements chauds aux mamans, et s'échappait avec sa brusquerie coutumière au remerciement de tout ce monde qu'elle quittait mais auquel elle promettait de revenir. Une fois en selle, elle piquait d'un vigoureux coup d'éperon le flanc de son cheval, et les femmes, debout sur leurs portes, entourées de leurs marmailles morveuses, essuyant du coin de leur tablier ou du revers de la main des larmes furtives, regardaient s'éloigner leur bienfaitrice et restaient là, écoutant s'éloigner le bruit sonore des fers de la bête martelant le sol durci. Georges, pendant les longues absences de sa fiancée, s'asseyait au piano et se laissait aller à une improvisation vague. Quant à son oncle, il avait bouleversé la bibliothèque pour trouver un Bussy Rabutin dont il lisait les pages doucement, en gourmet qui savoure un vieux vin, et sans se soucier du tapage et du bruit des allées venues dont était remplie la maison, ni des harmonies du piano qui venaient à ses oreilles à l'état de murmure. Le jour du départ se leva enfin. La famille de la Roche-Cesson, arrivée à Paris, s'installa à l'hôtel de Vernon, luxueusement préparé pour la recevoir. Georges venait tous les jours voir sa fiancée, prenait part au repas familial, et en compagnie de la comtesse et de sa fille, courait les magasins, visitait les monuments et les curiosités de la ville. La soirée était spécialement réservée à M. de Vernon, qui s'était intitulé lui-même l'intendant des menus, et en cette qualité ne voulait laisser à personne le soin du choix des plaisirs. Il fit voir ainsi à ses hôtes tous les théâtres, y compris les petits, où, malgré la légèreté de certaines pièces, malgré les effarouchements de la comtesse, il menait sa nièce, prétextant qu'Alix serait femme demain et qu'elle pourrait tout entendre. Celle-ci d'ailleurs se laissait faire, prenant plaisir aux fantaisies du comte. Seul, M. de la Roche-Cesson appréciait peu ses fantaisies et dormait régulièrement au fond de la loge. Le temps était loin où il avait l'habitude de se coucher tard. La joie, en somme, régnait dans la famille, et rien ne semblait devoir la troubler, lorsqu'une fantaisie nouvelle germa dans le cerveau du vieux garde du corps, s'y enracina profondément. Il avait maintenant la volonté bien arrêtée que le mariage se fît à Paris. La comtesse et le comte de la Roche-Cesson opposèrent d'abord un refus formel. il n'était pas possible, selon eux, que la cérémonie se vit ailleurs que dans la chapelle du château, au milieu des gens du pays, qu'ils considéraient comme appartenant de loin à la famille. Monsieur de Vernon tenait bon lorsqu'une circonstance imprévue vint à son secours. Le marquis de Soutis avait été tout naturellement prévenu par son fils et par son beau-frère, auquel il avait laissé plein pouvoir, du mariage de Georges avec sa cousine éloignée, Mademoiselle Alix de la Roche-Cesson. Il envisagea cette union comme une planche de salut pour son enfant. Il avait répondu par un consentement immédiat, et sans cacher le plaisir que lui causait ce grand événement, qui réunissait toutes les conditions de bonheur, naissance et fortune. Et puis tacitement, dans son profond égoïsme, il se réjouissait de n'avoir plus à s'occuper de celui qu'il prétendait être une ruine, un songe creux, incapable de rien faire. Il avait arrêté, c'était le seul sacrifice que s'imposait son affection paternelle, que les enfants vivraient 6 mois au Tilleul et 6 mois à la Roche-Cesson. Il appelait cela « partager les charges ». Tout autre aurait quitté son domaine et serait accouru pour embrasser son fils et sa future belle-fille. Il prétexta un accès de goutte. Lorsque les La Roche-Cesson arrivèrent à Paris, il s'excusa encore, écrivant qu'il ne se sentait pas la force d'entreprendre le voyage. Cependant, au bout des 2 mois de séjour de ses cousins chez le comte de Vernon, il prit la détermination de venir les rejoindre. Personne ne s'était étonné de ses façons d'agir. Le comte et la comtesse le connaissaient de longue date, et M. de Vernon avait d'autre part pris soin d'exagérer ses originalités, qui n'avaient fait que grandir avec l'âge. Il reçut néanmoins le plus cordial accueil. Au fond, M. de Vernon se réjouissait de cette goutte opportune, qui, de prétexte, devenait pour lui une alliée sûre dans le différend existant entre les pères et mères d'Alix, Alix elle-même et son neveu, qui était tout naturellement de l'avis de sa cousine, et lui, resté seul, buté dans son entêtement. Donc, la goutte providentielle du marquis aplanit les difficultés. Il était impossible de lui demander, après le voyage des tilleuls à Paris, de se remettre de nouveau en route pour se rendre à la Roche-Cesson, éloignée de 15 lieues du chemin de fer. On décida en outre, non sans quelques tiraillements, que les nouveaux époux passeraient leur lune de miel aux tilleuls. M. de Vernon aplanit toutes les difficultés administratives et religieuses, et le mariage fut célébré par une belle journée d'avril en l'église Saint-Thomas d'Aquin. Après la cérémonie à laquelle assistèrent l'élite du faubourg Saint-Germain et 5 ou 6 amis, appartenant à l'ancien cénacle de Georges, amis quelque peu chevelus, de tenue volontairement excentrique, et qui furent le point de mire de la noble assistance et l'occasion d'un certain dédain, des poètes ou des artistes, murmurait-on. Georges et sa femme revêtirent leur costume de voyage, prirent congé de leur oncle, du comte et de la comtesse de la Roche-Cesson, et accompagnés de leur père, prirent le train qui les menait à Saint-Lambert. Les adieux d'Alix et de ses parents avaient été pleins d'émotions. Les nouveaux mariés s'installèrent au tilleul, qui avait été aménagé pour eux, le marquis ne s'étant réservé que 3 pièces pour son appartement. Le printemps étalait ses jeunes verdures. Les oiseaux chanteurs accueillirent les 2 amoureux. Lorsqu'au lendemain matin, Georges ouvrit toutes grandes les fenêtres ayant vue sur le parc, du côté opposé à la double avenue de tilleul. Une bouffée d'air frais vint mettre sur le front sa caresse amoureuse, pendant que les cygnes et les canards carolins, s'ébrouant, lissaient leurs plumes aux rayons tièdes du soleil, en glissant silencieusement sur la surface de la pièce d'eau polie comme l'acier. Les mois succédèrent aux mois, les années aux années dans un bonheur uniforme. Pendant ce temps naissait d'abord une fille, qu'on appela Marguerite, puis, successivement, 2 fils, Maurice et Lucien. Aucun événement ne troubla cette quiétude. Georges écrivait, lisait, s'occupait de musique, ou souvent, sac au dos, s'en allait peindre dans les bois. À l'époque de la chasse, il réunissait ses amis, et sa femme, malgré l'esprit de caste dont elle ne s'était pas départie, les accueillit avec affabilité, d'abord à cause de l'amitié sincère et déjà ancienne que leur vouait son mari, et ensuite, parce que petit à petit, sans s'en douter, son esprit s'affinant au contact de l'existence commune, elle appréciait maintenant ceux dont la vie entière s'est consacrée dans le perpétuel effort de comprendre et de traduire le beau sous toutes ses formes. Son temps était occupé entre les soins qu'elle donnait à ses 3 enfants et les œuvres charitables auxquelles elle avait conservé sa précieuse sollicitude. Elle marchait maintenant dans la vie, ne semblant avoir avec son mari qu'une seule âme en deux corps. Elle donnait raison au psychologue qui a écrit qu'à force de vivre ensemble, deux êtres qui s'aiment sincèrement finissent par se ressembler. Ses fils, Maurice et Lucien, grandissaient. On charge alors l'abbé Bertillon, curé de Crétois, de commencer l'instruction des deux enfants comme il l'avait fait pour leur père. La vie allait ainsi, douce, suivant son cours, tranquille, sans heurts ni chaos, lorsqu'un soir du mois de janvier de l'année 1868, le marquis de Soutis rendait le dernier soupir. Depuis quelques jours, il gardait la chambre, souffrant d'un accès de goutte, réel celui-là, goutte remontante et qui ne pardonne pas. Sentant sa fin proche, il avait appelé son fils, sa belle-fille et les trois enfants dont l'aînée, Marguerite, avait déjà 14 ans. Il leur dit adieu, et malgré le spectacle d'une existence régulière et calme que lui donnait Georges, pensant aux mauvais jours de la jeunesse, à la grosse fortune qu'il allait lui laisser, il l'exhorta, une fois encore, à l'ordre et à l'économie. Le lendemain, la goutte avait atteint le cœur. Georges de Soutis conçut un réel chagrin de la mort de son père, malgré les différences de leurs deux natures. Son affection filiale fit un choix dans les souvenirs que lui laissa le marquis. Il oublia tout à fait les mauvais côtés du caractère de son père, dont il avait eu tant à souffrir, et ne se rappela que ses qualités rares, mais vraiment hautes. Le temps aidant, la figure du marquis de Soutis se fixa dans son esprit définitivement belle. La grosse fortune qu'il venait d'hériter n'amena que peu de changements dans son train de vie. Les pauvres surtout en bénéficièrent par la main charitable de sa femme, et parmi les amis du cercle d'autrefois, ceux qui restèrent en chemin, vaincus par la mauvaise chance, trouvèrent un soutien constant et généreux. Devenu à son tour marquis de Soutis, il garda la simplicité affable de ses manières. Son père, en mourant, avait laissé vacante une place au conseil général du département. Georges était trop aimé dans la contrée pour qu'elle ne fît pas partie de l'héritage paternel. Son influence en grandit, et cette influence servit d'appoint au service qu'il aimait rendre. Deux ans plus tard, l'Empire s'effondrait, succombant au coup d'une guerre inoubliable. Le marquis Georges de Soutis, pour qui les choses de la politique n'avaient qu'un médiocre intérêt, se rangea cependant parmi les mécontents. Il oublia que son père, fidèle du vieux régime, avait accepté, en haine des d'Orléans et de la Seconde République, l'arrivée au trône de Napoléon III. Il oublia aussi qu'au contraire des autres gentilshommes du département, qui faisaient mine grise à l'élu du 10 décembre, son père, lors du voyage du récent empereur dans la contrée, avait mis ses chevaux à sa disposition et de ce chef reçut la croix de la Légion d'honneur. C'est dans ces dispositions d'esprit que le trouva la déclaration de guerre de 1870. Il avait alors 45 ans. Après le désastre de Sedan, atteint dans les fibres les plus intimes de son amour pour le pays, il s'engagea comme simple soldat dans une compagnie de francs-tireurs. Ni l'amour de sa femme, ni l'affection de ses trois enfants ne purent le retenir. La marquise de Soutis, qui n'était habituée à voir dans son mari qu'un poète doux et rêveur, vivant dans l'illusion et paraissant éloigné de l'action par tempérament, eut un sursaut d'orgueil en apprenant la détermination de son mari. Le vieux Sandras bouillait dans son cœur. Elle remercia avec effusion celui qui, tout d'un coup, prenait à ses yeux les allures d'un héros. Elle voulut même, lorsqu'il eut revêtu l'uniforme, l'accompagner jusqu'à la station de Saint-Lambert avec ses trois enfants, pour que le courage de leur père leur servît de leçon. La guerre, hélas, marcha vite. Les vainqueurs avançaient toujours en horde compacte, serrée. Bientôt les Uhlans, précédant d'une heure à peine un escadron du 6e cuirassier blanc, se présentèrent à la grille du château désignée sur les cartes d'état-major. Quand les officiers arrivèrent, la marquise les reçut. Elle leur indiqua avec hauteur les parties du logis qu'elle leur abandonnait et sortira avec ses enfants dans les trois pièces qu'occupait autrefois son beau-père. Après les cuirassiers blancs, ce furent les lanciers, puis des bavarois. Pendant ce temps, le marquis allait à marche forcée, bivouaquant n'importe où, se contentant de tout, acceptant les conséquences de son patriotisme sans une plainte, sans un regret. Il avait tout abandonné cependant, malgré son âge, femme, enfant, foyer, existence heureuse et tranquille. Il demandait même à ses chefs qu'on lui réservât l'honneur des missions les plus périlleuses. Au cours de l'une d'elles, il fut blessé et transporté à l'ambulance. Quelque temps après, à son tour, il recevait la croix. Après la reddition de Paris, les électeurs du département qui connaissaient sa conduite crâne et désintéressée le nommèrent parmi les représentants qui devaient siéger à l'Assemblée nationale de Bordeaux. À cette époque, la marquise fut vivement sollicitée par sa mère et par son père de venir avec ses enfants à La Roche-Cesson pour se remettre des terribles émotions qu'elle venait de traverser. Elle refusa, ne voulant pas, écrivait-elle, quitter son château et la contrée avant que les pandours qui l'occupaient aient disparu. L'Assemblée, bientôt, quitta Bordeaux pour Versailles. Les deux soutis suivirent l'Assemblée. Une fois installés dans la vieille ville, rue des Bourdonnais, la vie du marquis et de la marquise de Soutis se modifia fatalement. Madame de Soutis fut la première à en souffrir, mais elle garda avec fierté le chagrin qu'elle en ressentit. Il lui semblait que la guerre, avec son effrayant cortège, avait amené le malheur dans sa maison. Tant que son mari fut à l'armée, elle avait conçu l'espoir, une fois les événements terminés, qu'il reviendrait au tilleul pour reprendre auprès d'elle l'existence d'autrefois. Mais voilà que la politique s'en était mêlée. La politique lui prenait maintenant celui en qui se résumaient toutes ses affections. Et quelle politique ! Le marquis ne siégeait-il pas aujourd'hui parmi les républicains, au mépris de sa naissance, de son éducation de gentilhomme, au mépris même de ses sentiments à elle, la forcenée aristocrate ? Il fallait donc dire adieu pour toujours au tilleul, dont elle connaissait les coins les plus cachés, au tilleul où elle avait de si chers souvenirs. Que deviendraient ces pauvres ? Adieu les longues soirées passées côte à côte, les promenades en commun, les conversations intimes, les espoirs échafaudés à propos de leurs enfants, de leurs études, de leur établissement plus tard. Oui, il y avait maintenant une étrangère entre eux deux, qui creusait un précipice et lui volait son mari. Cette étrangère était toujours la politique faite de compromis, de mauvaise foi ou de conventions, et maintenant elle en voulait encore plus aux Allemands. Toutes ces douleurs, qu'elle tenait secrètes et qu'elle dissimulait si bien que le marquis ne s'en doutait pas, se trouvaient entretenues par la nouvelle attitude de M. de Soutis. Il ne savait rien faire à moitié, aussi sa fonction de député, prise par lui fort au sérieux, l'absorbait-elle entièrement. Il n'était plus le même, en vérité. À peine levé, il s'enfermait dans son cabinet pour prendre connaissance de volumineux dossiers. Puis, il lui fallait répondre aux lettres, aux conseils, aux observations que lui envoyaient les électeurs influents ou aux demandes que par nuées les solliciteurs lui adressaient. Puis venait l'heure de déjeuner. Ils étaient rarement seuls. Un collègue de l'Assemblée, un maire ou tout autre personnage venait s'asseoir à sa table, toujours hospitalière. Il devenait très difficile de causer en tête à tête. Leur pas à peine terminé, l'heure de la séance arrivait et ils partaient encore pour ne rentrer que le soir. Il s'était adonné avec une véritable passion à ses occupations nouvelles, si éloigné cependant de ses goûts et des tendances de son cerveau spéculatif. Mais sa générosité le dominait, et il travaillait d'arrache-pied à une besogne ingrate, dont en d'autres temps il se serait vite lassé, comme il avait pris le fusil pour défendre le pays envahi. En un mot, son robuste amour de la patrie le soutenait dans cette besogne ingrate à laquelle il était si peu préparé. Son zèle, son assiduité aux nombreuses commissions dont il faisait partie, quelques discours fort remarqués, l'avaient désigné au choix de ses collègues pour les fonctions de secrétaire de son groupe. La marquise se replia en elle-même et, pour étouffer sa peine, se consacra avec plus d'ardeur encore à l'éducation de ses enfants. C'est dans ces circonstances que Madame Breton, Julie et Valère entrèrent en relation avec elle.